ça va mal ou pas fonctionner un zia. C'est si nous moins où va fonctionner on l'est. Toutes vos hommes qui sont sanctionnés n'a qui pas mandé ça actionner. La famille, ça va moins où qu'a fonctionner un zia. C'est si nous moins où va fonctionner on l'est. Toutes vos hommes qui sont sanctionnés n'a qui pas mandé ça actionner. A force courir derrière l'argent, pas ni temps écrit, en aigri, via Panam l'âge, à rendre moins paranoïaque. La rue l'a parrainé nous, parce que la ville a malmené nous, en pédi ou la s'amène nous. En TV, fait chiffre pour faire son main, en pas forcé, pour ses faux amis la freiner moins. Texte moins en versé, pour ça qui pas ni gêne. Je n'avais percé, bah on y défend. Tout amour rap, beau et belle, à toutes ces têtes qu'on déchaîne. Je vois bien négro, t'as de la peine, sur le chauffe, tu rejoins Ben Laden. Oh, tous ces foulecs, mec, vise droit dans la tête. Marque survive dans l'échec, marre d'être perdu dans la caisse. Oh, on est des hommes qui veulent des salaires de PDG. On usera tous nos charmes pour que tu commettes le péché. Frelo, arrête de tapiner, t'avances en terrain miné. Car ici ça démarre au quart de tour. La famille en zèbre, moi ou qu'a fonctionner en zèbre. C'est si nous en moins ou va fonctionner on l'est. Toutes vos hommes qui sont sanctionnés n'a qui pas mandé ça actionner. La famille en zèbre, moi ou qu'a fonctionner en zèbre. C'est si nous en moins ou va fonctionner on l'est. Toutes vos hommes qui sont sanctionnés n'a qui pas mandé ça actionner. Putain, sors vite de mon périmètre. Oh, mes amis, y'a trop de bousins, trop de faux amis. Près de mon épiderme, épidémie gravissime, c'est Ruggiero. Ok, Mac, j'me la zone en quarantaine parce que j'veux marcher sans crise de nerfs, sans me demander à qui plaire. Dans ma fonction, nique les faux amis et leur ponction. Près de ma famille, identifiable, le sang y est trop fiable. Malade, tranquille, ces chiens se baladent. Ma rage prend de la hauteur, escalade. Doucement mais sûrement, provoque de tourments. Ces putes qui voudront m'avoir au tournant. T'inquiète, j'ai ce qu'il faut dans la boîte crânienne. Résultat chez eux, tentative énième. C'est la mise en garde, c'est la mise à la mort. C'est la mise à mort de ces faux ennemis. La famille en zèbre, moi ou qu'a fonctionner en zèbre. C'est si nous en moins où va fonctionner on l'est. Toutes vos hommes qui sanctionnent, n'est qui pas mandé ça actionner. La famille en zèbre, moi ou qu'a fonctionner en zèbre. C'est si nous en moins où va fonctionner on l'est. Toutes vos hommes qui sont sanctionnés, les qui va mander ça actionner. Mandi moins ça yo vle, tout moun sa yo pas qu'on est. Kaïtien c'est vagabond yo yé, c'est pas bon d'anou nous vin bayo. C'est grâce en graine au moins yo ka fonctionné. Trop jolé qui pas même comprendre ça qui rit les colères. Vini, vini, vini m'cocobé. C'est le français qui a mis casse qui au fond ne sera jamais calme. Je reviens me taper tous ces amens. Ce ce sera pour mon chalet, pas pour la maison d'arrêt. Victime, me parle pas de ta vie fictive. Nous c'est les pictures qui brûlent ta chapelle 16. Donne un boulet si vous jouez avec ma pouille. Ou je pas ta vie sauf si t'as un lit douillé radical. Méfie-toi de la merde et sois matinal. Tu peux être visionnaire même si t'es noir, t'es mal. Pour le spliff t'as mal cogite sur ta vie. Comme la dinabile rumule sur ta ta ta. La famille en zèbre, moi ou qu'a fonctionner en zèbre. C'est si nous en moins où va fonctionner on l'est. Toutes vos hommes qui sont sanctionnés, n'est qui pas mandé ça actionner. La famille en zèbre, en moins ou qu'a fonctionner en zèbre. C'est si nous en moins où va fonctionner on l'est. Toutes vos hommes qui sont sanctionnés, n'est qui pas mandé ça actionner. MacGregor, toujours aussi fort. On recherche l'ouverture comme tout ça. Ok ma gueule, MacGregor, c'est la famille. Vraie musique, vrai gars. C'est une gloire qui n'arrive jamais par hasard. Encore un descendant d'esclaves, man. Tu connais, rap de militants. MC est méritant. Toi t'es mort vivant. West Indies, 9-3 connexions.